إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 13 dans l'explication de Umdatul Ahkam avec le charh de Sheikh Al-Bassam Abdullah Al-Bassam dans son livre Taysir Al-Aziz Al-Allam. Et donc Taysir Al-Allam pardon Taysir Al-Allam on est arrivé au quatrième chapitre dans le livre de At-Tahara, At-Tahara qui s'intitule Babun fil Madhi wa ghayrihi. Donc c'est un chapitre au sujet de Al-Madhi et d'autres substances qui sont produites par les organes génitaux ou bien des choses qui sortent par les organes génitaux. Et Al-Madhi, c'est un liquide qui sort au moment de l'excitation, c'est qu'est-ce qu'on appelle en français le liquide spermatique. Et c'est un liquide qui sort avant les rapports sexuels ou lorsque quelqu'un pense à avoir des rapports sexuels, lorsqu'il est excité, c'est un liquide qui est transparent et qui est, c'est-à-dire qu'il est transparent. Et comme de l'eau, en fait, la couleur de l'eau, et qui est un peu collant. Et c'est ça. Donc, il ne sort pas avec une sensation. Et c'est-à-dire, au moment où il sort, tu le sens pas que ça sort. C'est quelque chose qui sort sans que tu le sentes, sans que tu puisses sentir qu'il sort. Et après sa sortie, il n'y a pas de sensation de repos ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui sort sans même que tu t'en aperçoives, puis sans même que tu le sentes. Mais c'est au moment où tu penses à des choses qui ont rapport avec les rapports sexuels et des choses comme ça. Le Cheikh il dit, Al-Madhyu huwa as-sa'il alladhi yakhruju min az-zakar 'inda hayajan الشهوه او هيجان الشهوه c'est-à-dire c'est ça lorsque tu as un désir sexuel lorsque tu fais les par exemple quand tu es avec ton épouse tu fais des préliminaires avec ton épouse les préliminaires avant l'acte sexuel souvent juste que tu embrasses ta femme tu ressens du désir il y a quelque chose qui sort c'est ce liquide là le liquide spermatique يخرج بلا دفق ولا لذة. Quand il sort pas avec force et il sort pas avec un plaisir non plus. Il y a pas de plaisir au moment où il sort, contrairement au sperme. Ok. ولا يعقبه فطور. Après, tu te sens pas satisfait après. C'est pas comme après l'éjaculation, par exemple. Voilà, yuhassu bi khurujihi. On ne ressent pas sa sortie. Wa yakunu dhalika lirrajuli wa lilmar'a. Ça, c'est pour l'homme et pour la femme. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils ont le madhi, tous les deux. et c'est un liquide qui sort c'est produit par je pense que c'est la prostate qui produit ça. Le liquide spermatique, je pense. Ou bien une des glandes qui produit ce liquide là, yani. Ouais. Il dit wal murad huna bayan ahkamihi min haythu an-najasati wa naqd al-wudu. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ce sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a rapport avec l'impureté, les règles qui sont reliées à son impureté, l'impureté du mazi et le fait que ça annule le wudu. وفي الباب عدة أحاديث تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات. Donc il y a dans ce chapitre, dans ce sous-chapitre, plusieurs hadiths qui sont reliés à l'ablution et au fait d'éliminer cette impureté là. Et le nombre de hadiths, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Non. 5 hadiths sur ce sujet. C'est bien en même temps de rappeler par rapport à ça les autres liquides qui sont produits ou les autres substances qui sortent autres que le madi. Il y a en arabe al-mani. Al-mani, c'est ce qu'on appelle le sperme. Et le mani, al-mani, contrairement au madi, quand tu lis dans les livres de fiqh, les ulama ils définissent tout ça. Hein? Toutes ces substances et ces trucs-là, les ulama dans les livres de fiqh, ils les décrivent et ils les expliquent. Donc, tout ce que les koufars parlent, par exemple, de dire il faut avoir une éducation sexuelle, il faut que les gens sachent comment ça fonctionne ou des trucs comme ça, un musulman qui étudie le fiqh, même les petits-enfants, à un moment donné, commencent à apprendre les règles de base du fiqh, la tahara, la purification et tout ça. Il connaît ces choses-là. Il n'a pas besoin de prendre des cours d'éducation sexuelle pour connaître ça. Il étudie sa religion, puis il l'apprend. Hein? Donc, que ce soit un garçon ou une fille. Hein? Parce qu'on a tous besoin de connaître ces règles-là pour pouvoir pratiquer notre religion. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas appliquer notre religion. Donc, ce n'est pas des affaires qui sont condamnées ou taboues dans l'islam. Non, on en parle parce qu'on a besoin de les connaître pour connaître notre religion, pour pouvoir adorer notre Créateur. Donc, al-mani, ils le décrivent comme étant une substance qui est blanche et qui est excrétée par certaines glandes autour des organes génitaux et qui sort avec force et au moment où il sort, il y a une sensation, un plaisir qui est ressenti. Donc ça, c'est une substance qui est collante. Le sperme, c'est collant et ils disent que donc, cette substance-là, le sperme, ils disent que c'est pur, parce que c'est l'origine de la création de l'être humain. Tandis que al-mazi, c'est le liquide spermatique, ils disent celui-là, il est impur, il est najis. D'accord ? Et il y a un autre liquide aussi qui est excrété parfois, c'est des substances qui sortent après l'urine, qui est qu'on appelle al-wadi. Al-wadi, et ça sort après l'urine, c'est une substance épaisse et visqueuse, mais qui est pas blanche comme le sperme, mais qui sort après l'urine en tout cas. C'est des substances comme ça qui sortent, ça c'est qu'est-ce que les ulama appellent al-wadi. Donc il y a al-mazi, al-mani et al-wadi. Il faut distinguer entre ces trois substances-là. Al-wadi, c'est plus épais que al-mazi, mais c'est pas blanc. Hein, puis c'est pas transparent complètement. C'est un signe de maladie, en fait, un signe d'infection. Ça sort souvent lorsque quelqu'un il a une maladie, problème urinaire ou des choses comme ça. Donc, il dit ensuite, donc une fois qu'on a compris ça, le wadi aussi il est impur, comme le mazi. Ok, il est impur aussi, et on va savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on a ces substances-là qui sortent. Est-ce qu'on fait le ghusl, est-ce qu'on fait le wudu, hein? Est-ce qu'il faut prendre le bain au complet, la douche, ou bien juste se purifier en faisant l'ablution? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est le but de ce chapitre. Ok, le cheikh il explique premièrement en mentionnant le premier hadith qui est un hadith rapporté selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et yani le quatrième des khulafa ar-rashidin radiyallahu anhu. Donc il dit an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضى يغسل ذكره ويتوضى وهذا للبخاري ومسلم وفي الرواية للبخاري اغسل ذكرك وتوضى وفي رواية لمسلم توضى وانضح فرجك وانضح فرجك. Donc on va traduire ça. C'est rapporté selon Ali ibn Abi Talib. Il dit j'étais un homme qui avait souvent des sécrétions de madhi, des liquides spermatiques, beaucoup. Mais j'étais gêné de demander à ce sujet-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que j'étais marié avec sa fille. Donc à cause de la position que j'avais par rapport à sa fille, yani, j'étais gêné de lui poser directement la question. Alors j'ai envoyé Al-Miqdad ibn al-Aswad pour qu'il pose la question pour moi. Alors il lui a posé la question. Il a dit... Donc si tu as cette substance qui sort, le mazi, le liquide spermatique, lave ton organe génital et puis fais ton wudu après. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit yarsil zakarahu wa yatawadda. Il lave son pénis, yani son organe génital, puis il fait son wudu. Wa lil Bukhari irsil zakarak wa tawadda. C'est-à-dire, tu nettoies, dans la version d'Al-Bukhari, tu nettoies ton organe génital, puis tu fais ton wudu. Et dans la version de Muslim, tawadda wandah farjak. Bon, on va expliquer à nadh la différence, mais le contexte, ça veut dire de laver. Mais sinon, à nadh, ça veut dire d'asperger, ou d'envoyer un lit de l'eau avec les doigts, comme ça, en aspergeant. Mais le contexte, on va voir que ça signifie ici de laver. Donc, dans les mots qui sont expliqués ou mentionnés par le cheikh Yannick, qui sont détaillés plus, avec des explications plus spécifiques, le cheikh il a mentionné quatre mots ou quatre expressions qu'il explique. Il dit, premièrement, « Min al-kalimat al-ghariba »« Gharib al-hadith » « Kalimat mazza » Qu'est-ce que ça veut dire « mazza » Eh bien, « mazza » c'est « ala wazni fa'al min siyagh al-mubalagha » Donc, c'est comme la forme « fa'al » du mot « mazi » qui veut dire quand tu fais quelque chose, mais beaucoup. Tu le mets sous cette forme-là, « fa'al ». Hein, comme par exemple, si tu vas dire quelqu'un qui joue, on dit la'ib. Mais si quelqu'un qui joue beaucoup, tu vas dire la'ab. Si c'est quelqu'un par exemple qui ment, tu vas dire kadib. Mais si quelqu'un qui ment beaucoup, tu vas dire kadab. Donc la forme fa'al, c'est une forme pour dire quand quelqu'un fait quelque chose, mais il le fait beaucoup. Hein? Comme par exemple kafir, c'est un mécréant, mais kafar, C'est quelqu'un qui me croit beaucoup, hein, qui constamment. Naam. Donc, c'est une forme. C'est, en arabe, il y a plein de formes comme ça. Tu vois, comme la forme fa'il, ça veut dire c'est celui qui fait l'action. Fa'al, c'est celui qui fait l'action, mais qui fait avec. Il y en a une mubalara. Il fait beaucoup. Donc, en arabe, ça, c'est une des particularités de l'arabe. C'est cette forme, ces formes-là. C'est awzan. C'est comme s'il y a des. Peu importe quel verbe tu vas prendre, tu prends la racine du verbe, tu la mets sous telle forme, et ça rentre dans. Ça donne. À ce verbe-là, ça va lui donner cette signification-là, oui. Et il y a d'autres formes. Il y a la forme maf'oul, la forme fa'il, la forme maf'al. Il y en a plein comme ça, puis c'est ce qu'on appelle les abniya et les awzan. Donc, ça, c'est dans les livres de sarf. On apprend ça un des domaines de la langue arabe, ça s'appelle as-sarf. C'est relié avec la grammaire aussi. Donc, on dit, ouais, tome de médium 3 et 4. C'est ce qu'on appelle an-nahw was-sarf. Ok? Non. Et donc, c'est as-sarf. Ça rentre dans as-sarf. Ok, donc, c'est ça. Wazn fa'al min si'ar al-mubalara. Wal-murad kathir al-madhi. Donc, al-madha, c'est la personne qui a beaucoup de madhi qui sort de lui. Hein? Et donc, il dit, l'autre mot qui est expliqué, c'est indah farjak. Wandah farjak. Il dit yuradu an-nadhub ar-rash. Yuradu bin-nadh ar-rash. Ar-rash, ça veut dire comme si tu prends de l'eau dans ta main, puis tu fais comme ça de même avec. Tu l'asperges, tu l'éclabouches sur quelqu'un. C'est comme. Yani, tu vas prendre de l'eau, puis tu fais comme ça. Donc, ça s'appelle an-nadh. Donc ça c'est la signification la plus commune de qu'est-ce qu'on dans laquelle on emploie le terme nadh. Sauf qu'il dit ici waqad yuradu bihi al-ghusl. Mais on peut aussi vouloir utiliser ce terme dans le sens de ghusl, c'est-à-dire de laver. Wa huwa al-murad huna. Et c'est ça que ça signifie ici. Il dit li wafiq al-riwayat al-ukhra al-musarriha bil-ghusl. C'est pour que ce soit en accord dans la signification avec l'autre narration qui dit explicitement qu'il faut laver les parties intimes à ce moment-là. Le troisième terme, yarsilu bi raf'il lam wa hakadha ar-riwaya ala sirat al-khabar wa ma'nahu al-amr. Donc ici, yarsil, c'est le verbe au présent. Il lave, mais c'est dans le sens d'un ordre. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne al-miqdad, il vient et dit au messager d'Allah, qu'est-ce que la personne qui a beaucoup de madhi, qu'est-ce qu'il fait? Le messager d'Allah lui répond, il dit il lave sa partie intime et puis il fait son wudu. Donc quand il dit il lave sa partie intime, c'est pour dire que c'est comme un ordre, il doit faire ça. Tu vois, même si c'est pas dit sur une forme impérative, on comprend que c'est dans le sens d'un ordre. Naam. Et il dit quatrièmement, istahyaytu bi ya'ain wa hiya al-lugha al-fusha wa ya'ti bi ya'in wahida. Donc il dit ici dans le hadith, c'est marqué il dit istahyaytu. Ça c'est l'arabe classique, le vrai arabe. Mais tu peux aussi dire istahaytu. Au lieu de dire istahaytu, tu peux dire istahaytu, c'est bon aussi. Il dit que c'est une des lectures dans le verset, dans Surat al-Baqarah, le verset 26. Inna Allah la yastahi. Parce qu'il y a une autre lecture qui dit Inna Allah la yastahi. An yadriba mathalan. Donc ici c'est une autre lecture parmi les sept lectures dans laquelle on lit Inna Allah la yastahi au lieu de yastahi, et les deux sont bonnes. Les deux lectures sont bonnes. Il dit donc, après il explique le sens général de ce hadith, il dit al ma'na ijmali lil hadith yaqulu radiyallahu anhu kuntu rajulan kathirul madhi وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل. سبحان الله. Donc Ali radiallahu anhu, il dit, c'est comme le cheikh il explique le hadith d'une façon plus générale, comme il est le sens général du hadith. Il dit, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de madhi qui sortait. J'avais beaucoup de sécrétions de madhi. Et ça devenait dur pour moi parce que chaque fois que j'avais une sécrétion de madhi, je faisais le ghusl au complet. Comme s'il faisait le lavage complet, comme si pour l'impureté majeure, comme si c'était une impureté majeure, hein, comme quand après avoir les rapports intimes. Alors il dit لأني ظننت حكمه حكم المني, parce que je pensais que le verdict du mani c'était le même que celui du sperme. Hein? Je pensais que le verdict à propos du liquide spermatique c'était le même que celui du sperme. Alors je faisais le ghusl au complet à chaque fois. Vous imaginez à chaque fois que quelqu'un a une sécrétion de liquide spermatique, à chaque fois il va faire le ghusl. Alors il finira pas. Peut-être il va faire plusieurs fois le ghusl par jour. Donc il dit فأردت أن أتأكد من حكمه وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, je voulais me rassurer de ce verdict. Alors j'ai voulu demander au prophète صلى الله عليه وسلم à ce sujet. Il dit, ولكن لكون هذه المسألة تتعلق بالفروج وابنته تحتي فاستحييت من سؤاله. Il dit, mais étant donné que cette question est reliée directement avec les parties intimes et que moi je suis marié avec sa fille, j'ai été gêné de lui poser la question. فأمرت المقداد أن يسأله فسأله فقال إذا خرج منه المذي فليغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء فيكون صلى الله عليه وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي. Donc il dit que il est allé donc, il a demandé à Al-Miqdad ibn al-Aswad de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui. Alors il a demandé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le madhi sort de lui, lorsqu'il a une sécrétion de madhi, alors qu'il nettoie ses parties intimes pour que c'est comme s'il dit pour se libérer de cette shahwa, de cette harara, la chaleur qui est en lui, qui a produit justement cette sécrétion là puis, et donc il va mettre de l'eau, hein, sur ses parties intimes. Ça va le calmer, puis en même temps ça va le nettoyer les sécrétions qui sont sorties. Puis ensuite il fait le wudu. Pourquoi? Parce que le madhi il sort d'un des de qu'est-ce qu'on a en arabe, on dit min as-sabilayn, min ihda as-sabilayn. As-sabilayn, ça dit les deux voies par lesquelles il y a des choses qui sont excrétées ou excrétées ou sorties du corps, c'est-à-dire par l'urètre et par les excréments qui sortent par le derrière. Donc ces deux voies là on les appelle en arabe as-sabilan, les deux voies. Donc s'il y a quelque chose qui sort d'une des deux voies, hein, eh bien ça brise le wudu, ça annule ton wudu. Peu importe qu'est-ce qui sort, que ce soit de l'urine ou autre. Sauf qu'il y a des choses qui sortent par l'urètre, qui peuvent nécessiter que ce soit un ghusl que tu dois faire parce que c'est une impureté majeure, comme le sperme, ou bien une impureté mineure comme comme l'urine ou le wadi ou le mazi. Ok? Puis dans ce cas-là, ça brise le wudu, mais tu dois seulement refaire le wudu pour te purifier par la suite. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc indiqué une réponse qui a rapport avec une question qui a rapport avec la charia et une question qui a, et en même temps il lui répond quelque chose aussi qui relie à la médecine aussi, dans le sens que en mettant de l'eau ça a un effet aussi hygiénique, dans le sens que ça, il se lave, mais aussi en même temps que ça apaise aussi, ça c'est ça. Non. Donc il dit ikhtilaf ul ulama. Il y a des divergences entre les ulama sur ça, sur cette question. Il dit طيب ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله مستدلين بهذا الحديث وغيره. Et non, parce que ouais, ici il le mentionne pas, mais peut-être que plus loin il en parle, mais sinon dans d'autres livres de fiqh on en mentionne, on en parle aussi. Ouais, ici il en parle justement, le fait qu'il dit de laver les parties génitales, et ça implique de laver le pénis et les testicules aussi, et ça on va y revenir. Donc il dit ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله مستدلين بهذا الحديث وغيره. Donc les malikiyah, les hanabila, c'est-à-dire les gens qui suivent le madhhab hanbali, et les malikiyah, c'est-à-dire le madhhab maliki, eux ils disent que c'est obligatoire de laver tout le pénis au complet, pas juste la tête, de où est-ce que sort le mazi, ouais, pas seulement la tête, le gland là, mais l'organe au complet. Et ils utilisent comme argument ce hadith et d'autres également. حيث صرحت بغسل الذكر, parce que dans ces hadiths là, il y a la mention explicite de laver l'organe génital. وهو حقيقة يطلق عليه كله. C'est une réalité. Et c'est quelque chose d'absolu. Quand on dit al-zakar, ça implique l'organe au complet. وذهب الجمهور إلى وجوب لغسل المحل الذي أصاب المذي لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه. Donc il y en a, le reste des savants, tous les autres savants, eux ils ont dit que tu dois seulement laver l'endroit qui a été où il y a eu du mazi. Tu dois seulement laver l'endroit où est sorti le mazi seulement, ou bien où est-ce qu'il y a eu du mazi dessus. Parce que c'est ça qui est obligatoire à laver, donc tu te limites à ça seulement. Ça c'est une divergence. Il dit wal qawl al awwal arjahu. La première position pèse plus lourd dans la balance, puis c'est plus correct. Pourquoi? Parce que Yanni va mentionner des arguments. Et il mentionne trois arguments. Pourquoi c'est plus correct? Al-awwal, anna ghaslahu huwa al-haqiqa min al-hadith. Wa ghasla ba'dihi majaz, yahtaju ila qarinatin qawiyya. Donc, premièrement, premier argument, c'est que de laver l'organe sexuel au complet, c'est la réalité de ce qui est mentionné dans ce hadith. Et de laver juste une partie, ça c'est quelque chose qui est, qui a besoin d'un indice plus fort pour justifier qu'on lave juste une partie seulement. الثاني أن المذي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما وتقارب وعليكم السلام ورحمة الله وتقارب لونهما وغير ذلك فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى فيقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الفرج. Voici qu'est-ce qu'il dit comme deuxième raison. Il dit que le mazi ressemble un peu au mani, dans la raison pour laquelle ça sort, parce que le mani, il sort à cause de l'excitation, de l'orgasme. Et le madhi, il sort aussi à cause de l'excitation. Donc, il y a un lien en commun entre les deux dans ce sens-là, et aussi qu'il y a une ressemblance aussi dans la couleur. Même si le sperme est plus blanc, plus épais, donc c'est quand même un peu différent, mais sinon il y a quand même, disons, une certaine ressemblance, comme le cheikh il dit. Et il y a d'autres raisons aussi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça va bien? Alhamdulillah. Il dit فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى. Donc ça ressemble beaucoup à une petite janaba. La janaba, c'est quoi? Une impureté mais particulière. C'est-à-dire c'est une impureté qui est reliée à un rapport sexuel. Hein? Lorsqu'il y a un rapport intime entre l'homme et sa femme, ou il y a un rapport sexuel et qu'il y a une éjaculation ou bien qu'il y a une pénétration. À ce moment-là, t'es en état de janaba. T'es en état d'impureté, mais c'est un état qu'on appelle janaba. Et il y a un chapitre qui va suivre justement Bab al-Janaba. Je pense que c'est c'est celui qui vient après justement. Et dans lequel on va justement parler de ce sujet-là plus en profondeur, inshallah. Mais il dit, yaqtasiru fihi an rasli. Donc, c'est comme une petite janaba. Et donc, au lieu de laver tout le corps au complet, comme dans la janaba, tu vas juste laver la partie génitale à la place. Donc, c'est ça la deuxième raison pour laquelle il dit que il faut laver tout l'organe sexuel au complet. Et la troisième argument qu'il ramène, ou raison, c'est « Annahu yatasarrab min hararati shahwa fa nadhuhu » كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده. Donc il dit la chaleur du désir qui est produit, qui fait que le madhi sort, en mettant de l'eau dessus sur les organes génitaux, bien ça calme ce désir là avec l'eau, parce que l'eau elle est froide, donc ça refroidit, donc ça calme un petit peu ça. Donc c'est ça qui ramène que c'est mieux de laver l'organe au complet. Ensuite, il dit ma yukhadhu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer parmi les points bénéfiques qui sont mentionnés dans ce hadith-là? C'est quoi les points qu'on peut en tirer sur le plan du fiqh? Eh bien, il mentionne 5 points. أولا نجاسة المذي وأنه يجب غسله ولكن يعفى عن يسيره بسبب مشقة كما ذكر بعض العلماء. Donc il dit, premièrement, le madhi, le liquide spermatique, c'est quelque chose qui est impur et c'est obligatoire de le laver. Mais il dit, mais si c'est peu, un peu, et que c'est difficile à enlever, donc on peut l'excuser. Dans le sens que s'il y en a juste un petit peu puis qu'on n'est pas capable de le laver, c'est excusable, selon ce que certains savants ont mentionné. Deuxièmement, ثانياً أنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. Donc deuxièmement, c'est quelque chose qui fait partie des annulateurs du wudu, puisque c'est quelque chose qui sort par une des deux voies. D'accord. Troisièmement, wujub ghasl al-dhakari wa qad warada fi ba'd al-ahadith wa ghasl al-unthayayn. OK. Donc il dit aussi également l'obligation de laver les parties intimes lorsque on a une sécrétion de liquide spermatique, et certains hadiths mentionnent aussi les testicules. Donc en plus des parties intimes, également les testicules. Quatrièmement, أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة وهو إجماع. Également, il dit que il n'est pas obligatoire de laver tout le corps comme quand on fait le ghusl pour la janaba. Et ça c'est selon le consensus des savants. Ils sont tous d'accord là-dessus. que le liquide spermatique ne nécessite pas de faire le ghusl au complet, tout le corps, comme quand on fait pour la janaba. D'accord ? Cinquièmement, أنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول بل لا بد من الماء. Donc il dit que pour le madi, c'est pas suffisant juste de le nettoyer avec un papier ou avec une pierre ou quelque chose qu'on utilise pour s'essuyer comme pour l'urine. Il faut absolument qu'on utilise de l'eau pour le madi. D'accord ? Donc ça c'est qu'est-ce qui a été dit par rapport à ce premier hadith. La même chose. Al-Mani, pour Al-Mani, ça c'est le ghusl complet. Et pour le Wadi, c'est comme pour le Mani, pour le Mazi, pardon. Pour le Wadi, c'est comme pour le Mazi. C'est un petit peu confondant là, parce que les trois mots se ressemblent un petit peu, surtout quand on n'est pas habitué de les entendre, mais avec le temps, comme si. Non, là ça devient. Et non, je me rappelle quand on a appris ça au début, quand on est rentré dans l'islam au début là, c'était vraiment nouveau, donc on était vraiment mélangé avec ces différents termes, mais après c'est devenu facile, alhamdulillah. Non. Qu'est-ce qui est écrit ici? Oui, il y a des points aussi qui sont tirés de ce hadith-là que le cheikh l'a pas mentionné, mais qui sont très très bénéfiques. C'est le fait qu'on soit gêné de poser une question par rapport à un sujet, pour une raison quelconque, ça ne doit pas nous empêcher de quand même chercher la science à ce sujet-là. Et ici, on a l'exemple du fait que Ali radiallahu anhu, eh bien, même s'il était gêné, eh bien, il a quand même trouvé un moyen d'obtenir la science et la connaissance à propos de cette question-là en trouvant un moyen. Pour y arriver, c'est en demandant à quelqu'un d'aller poser la question pour lui. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très bénéfique aussi par rapport à ça. Il dit, parce que dans le charh de Cheikh Ahmed al-Najmi, des fois, il y a des points qui ne sont pas mentionnés par Cheikh al-Bassam. Donc, il mentionne, lui, parmi les points, « Adamu muwajahati sahar » بذكر النكاح ومقدماته وأن ذلك من الأدب. Donc il dit que si par exemple quelqu'un il est marié avec la fille de quelqu'un, il va pas mentionner devant lui les choses qui ont rapport avec les relations sexuelles ou les préliminaires des rapports sexuels, parce que ça fait partie des bonnes manières de pas mentionner ces choses-là devant la personne. Ok? Et donc on voit ici que Ali radiallahu anhu, il fait preuve de bonnes manières, hein. Ça on a mentionné. Ah, ça c'est un point intéressant aussi. Cheikh il mentionne, Cheikh Ahmed al-Najmi, comme sixième point, il mentionne اختلفوا في المذي إذا أصاب الثوب. C'est-à-dire lorsque le madi a été en contact avec le vêtement. Qu'est-ce que tu fais? فقال الشافعي وإسحاق بغسله وقال الجمهور بنضحه وهو الحق لحديث سهل بن حنيف عند أبي داود والترمذي قال حسن صحيح والله أعلم. Donc il dit que selon Al-Shafi'i et Ishaq, ils disent eux, il faut le laver. Tandis que Al-Jumhur, le reste des savants, ils disent que c'est suffisant de l'asperger seulement avec de l'eau. Hein, Al-Nadh. Et ils disent que cette position, c'est celle qui est vraie. Ils se basent sur le hadith de Sahl ibn Hanif qui est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, et il dit que le hadith il est Hassan Sahih. Wallahu A'lam. Ça c'est ce qui avait été mentionné par Cheikh Ahmed al-Najmi qui n'était pas mentionné par Cheikh al-Bassam. Il reste combien de temps? Il reste pas beaucoup de temps. Bon, on peut commencer à lire le prochain hadith, même si on n'aura pas, peut-être on n'aura pas le temps de le finir. Bon, il n'est pas trop long l'explication, on peut peut-être le finir aussi. C'est le hadith 24, An Abbad ibn Tamim. Et en passant, ce livre, il est tel quel disponible sur Internet en format PDF, en arabe. Au complet, tel quel, avec le même tahrij et tout. Et donc, en un seul fichier. Donc, tu peux l'avoir sur ta tablette. Oui, oui. C'est très, très facile à trouver. Tu écris le livre. Tu écris Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. Il te sort, même c'est écrit après PDF sur Google. Tu cliques et puis tu le télécharges. Il y en a plusieurs, mais celui qui est sur le site Al-Waqfiya, c'est cette version-là. Si je ne me trompe pas, c'est cette version-là qui est dedans. Mais il faut l'écrire en arabe, bien entendu. Ah, ok. Oui, Taysir Al-Allam. Na, barakallahu fik. Et non, je pense que ça ces nouveaux claviers là avec les suggestions là, ça aide beaucoup à apprendre l'arabe même. Non. طيب خير. Le prochain hadith an Abbad ibn Tamim, an Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini, قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري ومسلم. Ça c'est un hadith très important. C'est rapporté selon Abbad ibn Tamim, selon Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini. Il a dit qu'il y a un homme qui est venu et il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de quelqu'un qui s'imagine que dans sa salate il trouve quelque chose dans son ventre, il a des gaz ou quelque chose comme ça, et il ne sait pas est-ce qu'il a eu un gaz durant sa prière ou non. En voulant dire, qu'est-ce qu'il fait? Il a des gaz, il a des gaz dans son ventre, quelque chose comme ça, puis des fois il a l'impression qu'il a. Il a eu un gaz ou non? Il ne sait pas, tu vois? Donc, il est confus dans ce temps-là. Il ne sait pas, est-ce qu'il doit continuer sa prière ou bien est-ce qu'il doit s'arrêter sa prière? Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, il ne sort pas, ne doit pas sortir de sa prière tant qu'il n'a pas entendu clairement un son ou qu'il n'a pas senti une odeur. Hein? Et qu'il est certain. Tu vois? Tu ne vas pas sortir pour des doutes de ta prière, dire, ah, je pense que peut-être j'ai comme l'impression que j'ai eu un gaz, ou j'ai l'impression que, des fois c'est Shaitan qui te donne l'impression que t'as quelque chose alors qu'il n'y a rien. Le Cheikh il explique le sens général de ce hadith. Il dit, المعنى الإجمالي للحديث. هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله من قواعد الإسلام العامة. Subhanallah. L'imam al-Nawawi, il a dit que ce hadith fait partie des règles générales de l'islam. Un hadith vraiment court comme ça, mais il est considéré comme une règle dans la charia. Hein? Et puis vous allez voir, il va mentionner la règle. Il dit wa usuluhu wa yani min qawa'id al-islam al-amma wa usulihi allati tubna 'alayha al-ahkam al-kathira al-jalila. C'est-à-dire que ça fait partie des règles générales de l'islam, des principes généraux de l'islam et des fondements sur lesquels on base plusieurs autres règles. Ce hadith. Et il dit wa hiya an al-asl baqa al-ashya al-mutayaqqana ala hukmiha fala yu'dalu anha li mujarrad ash-shukuk wadh-dhunun sawa' qawiyat ash-shukuk aw da'afat ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى ومنها هذا الحديث. Donc il dit C'est quoi cette règle? C'est que les choses restent à la base sur la certitude. Hein? C'est-à-dire que les choses restent sur leur verdict, le verdict des choses reste sur la certitude qu'on a à la base. Et on ne sort pas de cette certitude-là uniquement pour un doute. C'est ça, c'est la règle que les ulama mentionnent souvent. Al-yaqin la yazulu bishak. Al-yaqin la yazulu bishak. C'est-à-dire que la certitude, elle ne peut pas s'en aller à cause d'un doute. C'est seulement une certitude qui peut enlever une certitude. Un doute ne peut pas enlever une certitude. Et donc, il dit, peu importe, il dit, tu vas pas sortir, tu vas pas quitter quelque chose qui est certain uniquement pour des doutes ou des suppositions ou des conjectures. Peu importe que ce doute est fort ou faible, tant que c'est pas arrivé au degré de certitude, tu le laisses pas. Tant que c'est pas arrivé au, tant que ce doute n'a pas atteint le degré de certitude, tu le laisses pas. Hein, tu sors pas. Et donc il dit, ça c'est un de ces exemples-là, mais il y en a beaucoup d'autres exemples qui sont très connus. Et parmi les exemples, il y a ce hadith. Il dit, madama anna l'insan mutayaqqinan littahara thumma shakka fil hadath fal aslu baqa taharatihi. Donc si par exemple quelqu'un, il est certain qu'il a fait son wudu et qu'il est en état de pureté, mais il doute par la suite, est-ce qu'il a perdu sa pureté ou non? Est-ce qu'il a brisé son wudu ou non? Dans ce cas-là, il reste en état de pureté jusqu'à ce qu'il soit certain qu'il a perdu sa pureté. Hein? C'est comme par exemple, c'est ça une règle qu'on utilise souvent, quand par exemple quelqu'un dit « Ah, je ne sais pas si j'ai encore mon wudu ou non. » Hein? Ça arrive souvent. Alors les ulama ils disent dans ce cas-là, si tu es certain que tu avais fait ton wudu, mais ton doute c'est est-ce que j'ai perdu le wudu ou non, dans ce cas-là, tu as ton wudu. Parce que tu es certain que tu as fait le wudu. Par contre, si c'est le contraire, par exemple, tu es certain que tu as perdu ton wudu, mais tu doutes est-ce que je l'ai fait après mon wudu ou non, là, dans ce cas-là, le doute c'est le wudu, puis la certitude c'est que t'as perdu ton wudu. Dans ce cas-là, tu dois faire ton wudu. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, quand tu te souviens, tu refais ta prière. Ouais, tu refais ta prière. Parce que dans ce cas-là, c'est que t'avais oublié que t'avais perdu ton wudu. Donc, dans ce cas-là, t'étais certain que t'avais perdu ton wudu, sauf que tu l'avais oublié. Et donc, quand tu t'en es souvenu, alors tu l'as refait. Hein? Non. Une fois, ça m'est arrivé, moi aussi. C'est comme si j'étais certain que. J'étais allé aux toilettes et quand je suis sorti, j'avais pas fait mon wudu. Mais j'avais oublié que j'avais pas fait mon wudu. Donc quand je me suis souvenu, j'ai refait mon wudu, j'ai refait ma prière. Et non. Il dit فما دام الانسان متيقنا للطهاره ثم شك في الحدث فالاصل بقاء طهارته وبالعكس فمن تيقن الحدث وشك في الطهاره فالاصل بقاء الحدث. Donc exactement qu'est-ce que j'ai dit, le contraire c'est la même chose, c'est-à-dire la base c'est que tu restes sur la certitude. Si ta certitude c'est que tu avais le wudu, après tu te doutes est-ce que je l'ai perdu, dans ce cas-là tu es dans ta pureté. Mais le contraire c'est si tu es certain que tu as perdu ton wudu et que tu doutes par la suite est-ce que j'ai fait mon wudu ou non après, et bien dans ce cas-là c'est la base c'est que tu n'as pas ton wudu parce que tu es certain que tu l'avais pas que tu l'avais perdu. Et non. Wa min hadha al-thiyab wal amkina فالأصل فيها الطهارة وإلا بيقين نجاستها. La même chose pour les vêtements, les endroits, hein, n'importe quoi. La base, c'est que c'est pur, jusqu'à ce que tu aies la certitude qu'il y a une impureté dessus. Si tu n'es pas certain qu'il y a une impureté dessus, dans ce cas-là, la base, c'est que c'est son état à la base, c'est la pureté. Donc c'est la même chose pour les vêtements, les endroits. À la base, c'est pur, sauf si on a la certitude qu'il y a une impureté. Il dit: وَمِنْ ذَلِكَ عَدَدُ الرَّكَعَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَمَنْ تَيَقَّنَ ثَلَاثًا مَثَلًا وَشَكَّ فِي الرَّابِعَةِ فَالْأَصْلُ عَدَمِهَا وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ شَكَّ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ. Donc c'est la même chose pour, par exemple, quand tu fais ta prière, tu sais pas est-ce que j'ai fait 3 ou 4 rakat. Alors il dit, la base c'est que tu te bases sur qu'est-ce que tu es certain. Et le qu'est-ce que tu es certain, c'est le moins. C'est-à-dire, si tu dis, je sais pas si j'ai fait 3 ou 4, mais tu es certain que tu en as fait 3. Mais qu'est-ce que tu as le doute, c'est est-ce que j'ai fait la 4e ou non. Dans ce cas-là, tu calcules comme si tu avais fait 3 seulement. Puis tu rajoutes une. Tu vois? Comme ça, ça élimine le doute. Tu vois? Ça élimine le doute complètement. Puis là, tu bâtis sur la certitude. Ok? La même chose pour, il dit le cheikh, la même chose pour quelqu'un, il dit, j'ai un doute, est-ce que j'ai divorcé ma femme ou non? Il dit, la base, c'est que tu restes marié. Parce que c'est ça la base. Hein? Le mariage, il reste valable tant que tu n'as pas fait le divorce. Mais si tu sais pas, tu as un doute, est-ce que j'ai divorcé ou non, la base, c'est que tu n'as pas divorcé. Ok? Oui, mais ça se peut que quelqu'un, il y a un doute. Il est arrivé quelque chose, puis il est confus. Là. Il dit, est-ce que je l'ai divorcé ou je ne l'ai pas divorcé? Je ne me rappelle plus. Ok, la base, c'est que tu ne l'as pas divorcé. C'est toi qui fais ça? Ah oui. Arrête-le. Barakallahu fik. Et donc, il y a beaucoup de questions comme ça qui sont bien connues. Hein? Il dit, وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ. Donc, il y a 5 points, il y a 5 choses qui sont tirées de ce hadith-là. On va le lire ensemble, puis après, on va s'arrêter pour la salat. Le premier point, القاعدة العامة وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. Donc la première chose, c'est le premier point, c'est la règle générale, que la base, c'est que quelque chose reste dans son état dans lequel elle est. Deuxième point, أن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة. Donc le cheikh, il dit, le simple fait que tu as un doute à propos de l'impureté, ça n'annule pas ta prière. Ça n'annule pas ton wudu et ça n'annule pas ta prière. Donc, si tu es dans ta prière, tu as des gaz dans le ventre, hein, tu entends des bruits dans ton ventre et tout, et puis tu sens comme si tu as une sensation de gaz. Mais tu n'as rien entendu sortir avec certitude. Et tu n'as rien senti non plus. Dans ce cas-là, tu restes dans ta prière. Et tu, la base, c'est que tu n'as pas perdu ton wudu. D'accord? Tu ne refais pas ton wudu et tu ne sors pas de la prière. Troisièmement, تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. Troisièmement, l'interdiction de sortir de la prière sans qu'il y ait une raison claire ou une cause claire. Donc, il faut qu'il y ait un moyen, une raison claire et une cause certaine pour que tu sortes de la salat. Quatrièmement, أن الريح الخارج من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء. Cinquièmement, le cheikh dit, le gaz qui sort, hein, lorsque tu as un gaz, lorsqu'il sort, que ce soit en faisant un bruit ou sans bruit, ça annule le wudu. Le gaz qui sort avec bruit, en arabe on l'appelle ad-durat. Et celui qui sort sans bruit, on l'appelle al-fusa. Donc il y a un bruit pour chaque, et un nom pour chaque. Et donc, ça ne veut pas dire que, donc, si tu fais un gaz que tu le sens pas sortir, tu ne l'entends pas sortir, il sort mais sans faire de bruit, mais que tu le sens, que tu l'as, que c'est sorti, dans ce cas-là, ça annule le wudu. Tu le sens au niveau de l'odorat ou bien tu le sens sortir directement de toi. Mais si tu es pas certain, parce que des fois, c'est comme dans un hadith, je pense que dans un hadith qui mentionnait ça, le shaitan, il vient même des fois, il souffle à cet endroit-là pour te faire croire que tu as eu un gaz. Et en réalité, tu n'as pas eu de gaz. Donc, dans ce cas-là, tu ne sors pas tant que tu es certain qu'il n'y a rien qui est sorti. Le point numéro 5. يراد من سماعه الصوت وجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه. Donc c'est ça. Il dit qu'est-ce qu'on veut dire par ce hadith là du fait d'entendre un son ou de réaliser qu'il y a un gaz. C'est ça qu'on veut dire. Et on veut dire le fait d'être certain qu'il y a eu quelque chose. Donc si par exemple, tu n'as rien senti, tu n'as rien entendu, mais que tu es certain, par autre que ces deux moyens-là, qu'il y a quelque chose qui est sorti de toi, comme un gaz qui est sorti, tu ne l'as pas entendu, tu ne l'as pas senti, parce qu'il y a des gaz parfois qui sortent, mais qui sont pas sentis, ils n'ont pas d'odeur. Hein, ça peut arriver. Donc, mais si par autre que l'odorat et l'ouïe, tu es certain que tu as eu un gaz, dans ce cas-là, tu sors de ta prière quand même, parce que ça brise ton wudu. D'accord? Non. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'il y avait à lire à propos de ce hadith-là pour ce chapitre. Donc, on lira les autres hadiths dans le prochain cours, Inch'Allah. Non, c'est ça. Le point que je mentionnais, le cheikh, il le mentionne ici. Il dit, لَقَدْ جَهَدَ الشَّيْطَانِ كُلَّ الْجُهْدِ فِي عَدَاوَتِنَا وَحَرِصَ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى إِفْسَادِ أَعْمَالِنَا الْخَيْرِيَّةِ فَلَقَدْ أَخْبَرَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي إِلَى الْمُصَلِّي فينفخ في مقعدته ويوسوس له أنه أحدث. Donc il dit que le shaitan, il essaie par tous ses efforts, hein, parce qu'il nous déteste, c'est notre ennemi le shaitan. Donc il fait tous les efforts qu'il peut pour essayer de faire en sorte que nos œuvres soient corrompues, que nos œuvres soient plus bonnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que le shaitan vient sur la personne qui fait la salat et il souffle à l'endroit, derrière, hein, pour lui faire croire que il a eu un gaz, puis il lui suggère, il lui soupire des suggestions pour lui faire croire que il a perdu son ablution ou son wudu. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من تصديقه وأمرهم أن لا ينصرفوا إلا بعد تيقن الحدث. Donc c'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم a averti sa umma de ne pas croire au shaitan et au doute, et il leur a ordonné de ne pas sortir de la salat excepté après avoir été certain de l'impureté. نعم. Donc c'est ça. الأصل في الأشياء البقاء على أصولها. Et là, ça c'est la règle. Non, donc il s'arrête ici. Donc on va s'arrêter nous aussi et on continuera au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.